Bienvenue à ce meeting de la Ligue Trotskiste de France. Mon camarade va faire une présentation. Vous allez entendre des choses que vous n'avez pas entendues avant et vous n'allez pas entendre ailleurs. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Après, on aura le temps pour avoir une discussion, un débat. Et vous pourrez poser vos questions, exprimer vos différences et vos opinions. Mettez, s'il vous plaît, vos téléphones en silencieux. Et je laisse la parole à mon camarade Alexis. Chers camarades, chers amis, vous savez que la lutte contre l'attaque de Macron sur les retraites est à un point tournant. Avec la journée d'action du 28 mars, elle a amorcé une pente descendante et la défaite est inéluctable si la lutte ne prend pas un tout autre cours dans les jours qui viennent. Il est clair que les bureaucrates syndicaux et les réformistes cherchent de plus en plus activement à casser le mouvement. Les bureaucrates veulent aller à Matignon discuter de la pluie et du beau temps, et les parlementaires de la NUP veulent aller à l'Élysée pour demander le droit de faire une pétition pour faire un référendum. Autrement dit, autant de manières d'éloigner les travailleurs encore plus de la seule voie qui permette d'aller de l'avant, c'est-à-dire la grève générale avec des occupations pour poser la question du pouvoir. Ça fait des années que les luttes en France prennent la même tournure. La classe ouvrière fait preuve de la plus grande combativité, mais ses directions la canalisent dans un cadre qui ne déborde pas de l'ordre capitaliste, et chaque fois, il en résulte la défaite et la condition des travailleurs se dégrade. De nombreux travailleurs comprennent que la stratégie suivie par leur direction les mène dans le mur. Les groupes de gauche, comme LO et Révolution Permanente, le disent ouvertement. L'obstacle fondamental en ce moment, ce sont les bureaucraties syndicales. C'est juste. Mais quelle réponse apportent-ils à ce problème de fond? Ils envisagent qu'on puisse lutter contre les bureaucraties syndicales simplement en alimentant la combativité ouvrière de façon linéaire jusqu'à ce que ça déborde du cadre des bureaucrates. Ils cherchent à tracer la ligne contre les bureaucraties syndicales au niveau de leur méthode de lutte, mais jamais à armer les travailleurs pour le combat politique qu'ils doivent mener pour faire sauter l'obstacle posé par le programme pro-capitaliste des directions actuelles. Pour nous, c'est là le problème fondamental de la gauche française en ce moment. Ils se disent pour le pouvoir des travailleurs, mais ça c'est une perspective lointaine, pour le grand soir, qui n'a aucune influence sur la lutte actuelle. Entre-temps, ils essayent d'alimenter la combativité syndicale. Mais entre le pouvoir de la classe ouvrière et sa lutte immédiate, il n'y a aucun pont. C'est aussi un problème auquel notre organisation se confond depuis des années. Mais nous sommes intervenus dans la lutte actuelle avec une réponse fondamentalement différente. Nous intervenons en cherchant à montrer aux travailleurs que, pour gagner, il faut un programme qui parte du point de vue que, face à une bourgeoisie qui doit écraser la classe ouvrière, la seule réponse est de mobiliser la classe ouvrière pour écraser la bourgeoisie en posant la nécessité d'un gouvernement ouvrier et en faisant avancer sa lutte dès maintenant vers cet objectif. Un programme, pas pour demain quand il y aura des jours meilleurs, comme nous l'avons nous-mêmes présenté pendant des années, mais un programme nécessaire pour aujourd'hui, le seul qui puisse faire avancer sa lutte actuelle sur les retraites à la victoire. Et ça exige une direction qui aille avec, c'est-à-dire une direction révolutionnaire. Aucun des problèmes auxquels fait face le prolétariat, ni celui des retraites, ni celui de l'inflation. Je m'interromps 5 minutes. Oui, on fait une petite pause. Revenu deux phrases en arrière parce qu'on n'a pas entendu la. D'accord, ouais. Donc je disais que le programme qu'on met en avant, ce n'est pas un programme pour un jour meilleur, comme nous-mêmes on avait fait pendant des années, mais c'est un programme nécessaire pour aujourd'hui. C'est le seul qui puisse faire avancer cette lutte actuelle sur les retraites jusqu'à la victoire. Et ça exige une direction qui aille avec, c'est-à-dire une direction révolutionnaire. Aucun des problèmes auxquels fait face le prolétariat, ni celui des retraites, ni celui de l'inflation, de l'éducation, du chômage, du logement, de la santé, ne peut être résolu sous le capitalisme. Il faut pour cela réorganiser la société de façon révolutionnaire. Les acquis concrets que peut gagner le prolétariat ne peuvent résulter que de la mobilisation indépendante, révolutionnaire, de l'ensemble de la classe ouvrière. Ils permettent de conquérir des positions avancées dans la lutte pour le pouvoir. D'un tel programme révolutionnaire découlent toutes les tactiques de lutte de classe qui permettent de gagner, mais auxquelles font obstacle les directions actuelles de la classe ouvrière, car elles cantonnent la lutte de classe au cadre du capitalisme. Dans un tel cadre, on ne peut pas résoudre les problèmes auxquels fait face la classe ouvrière, parce que ça implique la collaboration de classe, c'est-à-dire la recherche d'un compromis impossible entre les intérêts des travailleurs et ceux des capitalistes. Les directions actuelles de la classe ouvrière ne cherchent pas à vaincre la bourgeoisie. Elles enferment le prolétariat dans le cadre de limites fixées par la bourgeoisie et ne peuvent qu'essayer de limiter les dégâts. Parce que les travailleurs sont lancés dans la bataille avec un plan qui a déjà concédé qu'on ne chercherait pas à détruire l'ennemi en face, ils ne sont pas en mesure de gagner de nouvelles positions et d'avancer. Face à un ennemi qui n'a plus de marge pour négocier et temporiser, qui est décidé à casser le mouvement ouvrier, ce sont inévitablement les travailleurs qui reculent avec une telle stratégie. Nous sommes intervenus dans ces luttes en appelant à Macron dehors, travailleurs au pouvoir, et pour une direction révolutionnaire des syndicats, pour justement donner un cadre permettant de faire exploser le carcan des bureaucrates. Pour pousser en avant de façon concrète cette perspective, nous appelons à l'occupation maintenant des usines, des gares, des facs, des lycées, etc. Ce n'est pas une simple question de combativité plus grande que ce que font les bureaucrates. Il s'agit de casser ce cadre institutionnalisé des journées d'action où les travailleurs les plus combatifs sont en grève reconductible et se sacrifient, mais qui restent isolés tandis que la production et les services continuent de fonctionner. Notre appel à des occupations placerait dès maintenant l'ensemble de la classe ouvrière sur une voie de lutte sortant du cadre de collaboration de classe des bureaucrates. Les occupations bloquent physiquement la production et les jaunes. Elles sont en contradiction avec la propriété privée des moyens de production. Elles posent la question de savoir à qui appartiennent les usines et qui doit les faire tourner dans l'intérêt de quelle classe. Il ne s'agit plus là de chercher un compromis, c'est au contraire une façon de diriger la classe ouvrière dans la perspective de la prise du pouvoir. À cet effet, nous avons distribué plusieurs milliers de spartacistes et de bolcheviques à Paris, à Rouen et au Havre. Et toute l'histoire du mouvement ouvrier français pointe dans cette direction. Et surtout, les leçons de la dernière grève générale pré-révolutionnaire qu'ait connue ce pays, mai 68. Qui avait commencé justement avec des occupations parties d'en bas, qui se sont répandues comme une traînée de poudre par-dessus la tête des dirigeants du mouvement ouvrier et contre eux. La lutte pour des occupations peut être le fer de lance pour faire changer de braquet cette bataille et faire plier la bourgeoisie sur les retraites en la menaçant de tout perdre. C'est la seule façon de résoudre ce conflit à l'avantage des travailleurs, avec une position de force à partir de laquelle poursuivre leur lutte vers la prise du pouvoir. Personne aujourd'hui en France, à notre connaissance, ne propose quoi que ce soit d'équivalent. Nous appelons les travailleurs et les jeunes à se saisir de notre programme pour lutter autour d'eux, dans leurs syndicats et leurs organisations, pour mettre en œuvre cette perspective. Nous cherchons ainsi à forger un pôle révolutionnaire sur la base du programme que nous avançons dans notre propagande, et je vais essayer de montrer ce soir que nous sommes en fait les seuls qui ayant tracé une voie révolutionnaire et que les groupes marxistes comme Lutte ouvrière et Révolution permanente sont un obstacle sur cette voie. Alors commençons, si vous voulez, par placer la lutte qui se déroule en France dans le contexte international. Ça détermine la situation à l'heure actuelle. Nous sommes aujourd'hui face à un changement de période historique. Ça a été inauguré par la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine qui marque la fin de la période de relative stabilité de l'ordre impérialiste qui caractérisait le monde depuis la chute de l'Union soviétique. Nous entrons dans une période où les crises vont se succéder de façon de plus en plus rapide et se renforcer mutuellement. Ce changement de période ne fait que souligner de façon encore plus brûlante la nécessité d'une réponse révolutionnaire pour faire face à tous les problèmes que confronte la classe ouvrière internationalement. La pandémie de Covid-19 a montré la faillite totale du système capitaliste et son incapacité, même dans les pays les plus avancés, à répondre aux besoins médicaux et sociaux les plus élémentaires des travailleurs. Les capitalistes, partout dans le monde, ont enfermé les gens chez eux pour éviter un effondrement complet de leur système de santé décrépit et pour infliger une volée d'attaques à la classe ouvrière. Les travailleurs ont été monumentalement trahis par leur direction, soutenus par les groupes de gauche réformistes. Elles se sont jointes aux campagnes d'unité nationale des bourgeoisies en prétextant qu'on n'avait pas d'autre choix que d'accepter ces souffrances, tous ensemble, entre guillemets, c'est-à-dire les travailleurs avec les patrons, pour sauver des vies. Il y avait une autre voie possible. Pour se protéger contre la menace d'un virus mortel, les travailleurs devaient mener des luttes défensives pour le contrôle de la santé et sécurité sur les lieux de travail et s'attaquer aux racines sociales de la crise, c'est-à-dire la domination des capitalistes et la loi du profit qui affame les services de santé, cause pénurie de logements, de transports, etc. Mais pour cela, il fallait une direction révolutionnaire du mouvement ouvrier qui oppose à la collaboration de classe avec les capitalistes, qui rejette leur confinement réactionnaire et qui pose dès maintenant, dès ce moment-là, la nécessité de porter les travailleurs au pouvoir pour réorganiser toute la société et les guider vers cet objectif. Alors que la pandémie commençait à refluer début 2022, des décennies d'expansion de l'OTAN et de l'UE jusqu'à la frontière de la Russie sont arrivées à un point de bascule et ont provoqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les directions du mouvement ouvrier et la plupart de la gauche ont, une fois de plus, emboîté le pas aux campagnes d'unité nationale en défense de l'Ukraine contre la guerre de Poutine, entre guillemets, ce qui veut dire défendre les intérêts des impérialistes dans la région et rallier les travailleurs derrière ces derniers. La seule issue progressiste à ce conflit, en réalité, ça serait que les travailleurs russes et ukrainiens renversent ces deux classes capitalistes, russes d'un côté, ukrainiennes de l'autre, par des révolutions socialistes. C'est pourquoi nous disons « travailleurs russes, ukrainiens, retournez les fusils contre vos dirigeants ». La tâche fondamentale pour ceux ici qui souhaitent vraiment lutter pour mettre fin à ce cycle infernal de crise et de guerre, c'est de lutter pour renverser l'impérialisme français par une révolution socialiste et étendre cette révolution aux autres centres impérialistes. Mais, au lieu de mobiliser les travailleurs vers cette tâche, pour briser le cycle des crises et des guerres à sa source, presque toute la gauche se complaît dans le pacifisme. Elle regarde en arrière et elle prêche que les impérialistes devraient revenir à la période précédente de pillage pacifique du capital financier de la période antérieure. Donc tout ça, c'est un peu la situation internationale d'ensemble. Une crise mondiale du capitalisme qui ne promet que plus de misère, de dégradation des conditions de vie, de violence et de guerre. Une classe ouvrière internationalement désarmée par ces directions actuelles qui s'accrochent à ce système pourrissant. Et des groupes de gauche qui, au lieu de lutter dès aujourd'hui pour une solution révolutionnaire à cette crise, n'offrent que des solutions réformistes pour tenter en vain de calmer les excès, entre guillemets, de ce système capitaliste qui ne vont en réalité qu'augmenter et s'accentuer. Alors comment cette situation s'exprime-t-elle en France et dans le contexte de la lutte qui se déroule actuellement ? Comme bien souvent dans l'histoire, d'une façon particulièrement explosive. Ça fait des années, en fait, que la bourgeoisie française et la classe ouvrière ici sont face à face. Tout le monde voit bien que cette lutte est une lutte politique qui dépasse la question économique des retraites. C'est une guerre de classe pour déterminer si ce sont les intérêts de la classe ouvrière qui s'imposeront sur ceux des capitalistes ou si ça sera l'inverse. Les coûts de la pandémie et de la guerre en Ukraine ont mis la bourgeoisie française encore plus au pied du mur et n'ont fait qu'accélérer l'impératif pour la bourgeoisie de casser la résistance de la classe ouvrière pour ouvrir la voie à tout un ordre du jour réactionnaire d'attaque et de dégradation des conditions de vie. De leur côté, les travailleurs sont toujours menés par des directions qui refusent de s'attaquer à la source du problème et de lutter pour balayer tout l'ordre capitaliste. L'impérialisme français avait joué un rôle crucial dans la création de l'Union européenne et de l'euro. Il espérait que ça lui permettrait de garder un certain droit de regard sur l'impérialisme allemand. En fait, la France ne fait que perdre du terrain face à l'Allemagne, même si pour le moment elle trouve avec l'UE des compensations suffisantes dans tout le pillage de l'Europe de l'Est et du Sud par ses propres monopoles, la Grèce, etc. Et l'UE lui donne aussi un poids plus important pour saigner d'autres pays. Ainsi, la Tunisie est complètement asphyxiée par les exigences de l'UE, de complètement démanteler tout ce qui pourrait encore empêcher un tout petit peu le pays de se faire sucer jusqu'à la dernière goutte de sang par les monopoles financiers impérialistes et surtout français. L'impérialisme français, dont le déclin s'accélère, subit en ce moment une série de revers. Ses troupes ont été renvoyées du Mali, maintenant c'est le Burkina, et sa réaction, en fait, c'est qu'il est évidemment d'autant plus acharné à défendre ses plates-bandes. Afin de maintenir une certaine compétitivité, il doit absolument écraser la classe ouvrière, qui dans ce pays ne cesse de résister depuis 40 ans. Il ne reculera que s'il a peur de tout perdre. Ça pose les enjeux pour la classe ouvrière. Elle n'a pas le choix non plus. Il n'y a pour elle qu'une seule voie possible dans ses intérêts. Mais il y a une voie possible. Très simplement, la seule manière pour gagner, c'est de lutter pour tout prendre, c'est-à-dire de lutter pour un gouvernement ouvrier. Mais aujourd'hui, la classe ouvrière est dirigée par des gens qui refusent mordicus l'idée même d'amener les travailleurs au pouvoir. Ils acceptent que c'est la bourgeoisie qui doit continuer à régner et donc que le capitalisme français doit rester compétitif. Ils cherchent à concilier les intérêts des capitalistes avec ceux des travailleurs qui les poussent à lutter. Sur cette base, ils cherchent simplement à trouver une solution qui ne rogne pas trop sur la condition des travailleurs. Leur stratégie est alors nécessairement de ne pas taper trop fort, et aussi de prier les capitalistes de faire de même. Autrement dit, c'est un programme de collaboration de classe. C'est en fait de ces conceptions même que découle toute la stratégie perdante des bureaucrates. C'est le cas non seulement de Berger et de Martinez, mais aussi de Sophie Binet ou de Olivier Matteux, et j'en passe. Ils peuvent bien avoir des différences tactiques, mais aucune aile de la bureaucratie ne cherche à mobiliser l'ensemble de la classe ouvrière dans une confrontation qui menacerait le pouvoir de la bourgeoisie. Les actions auxquelles ils peuvent appeler peuvent être spectaculaires et courageuses, mais elles ne vont pas au-delà de chercher à persuader le gouvernement de trouver un compromis mutuellement acceptable. De là découle leur tactique de journée d'action ponctuelle, s'appuyant sur certains secteurs en grève plus ou moins reconductibles. En fait, ils poursuivent une chimère et ça mène à la défaite. Je voudrais citer un porte-parole des électriciens de la CGT, donc c'est l'aile un peu plus militante du mouvement. Il déclarait dans l'Humanité le 21 février, je le cite, « Des actions ponctuelles et symboliques ont été mises en œuvre pour que le gouvernement mesure notre capacité à durcir notre action. Puis nous laissons le temps du dialogue, entre guillemets, par le biais des échanges à l'Assemblée. Alors oui, monsieur Macron, nous sommes très raisonnables et modérés. » Ça, c'est écrit en gras dans l'Humanité. Et nous aussi savons respecter un cérémonial, entre guillemets. Malheureusement, malgré tous ces éléments qui illustrent l'opposition quasi générale à cette réforme, le gouvernement s'enferme dans son mutisme. Alors, il va falloir rentrer dans le dur. Fin de citation. On ne peut pas durcir du flanc. Pour tous ces bureaucrates, le dur, en fait, ça ne peut jamais représenter une véritable menace pour la bourgeoisie. Alors évidemment, les capitalistes ne se sentent pas menacés, donc ils peuvent poursuivre leurs attaques. Ainsi, l'ancien Premier ministre de Macron, Édouard Philippe, il avait fièrement raconté, ça a été republié ça, récemment, en 2017, dans une école de commerce, je cite Édouard Philippe, « On fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme de la SNCF, on met fin au statut » et on ouvre à la concurrence, on s'attend à des blocages complets. Et pas tant que ça, il y a des grèves et ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans l'université, dans l'enseignement supérieur, sur fond d'une orientation sélective. Vous savez que c'est une bombe. On le fait, il y a des universités qui sont occupées, on les désoccupe, et ça passe. Fin de citation. C'est devenu au fil des années une espèce de jeu bien huilé, en fait, que se livrent les capitalistes et les bureaucrates syndicaux. Chacun reste dans sa partition et simplement ils mettent plus ou moins de volume, mais tout en assurant toujours que les grèves ne sortent pas de certaines limites où l'économie capitaliste serait paralysée par les travailleurs. Les bureaucrates font leur journée d'action hebdomadaire, plus ou moins, en s'appuyant sur l'un ou l'autre secteur isolé en grève reconductible, tandis que le patronat résiste. Alors au mieux, le patronat, parfois, cède une partie pour mieux faire passer le reste, comme en décembre 1995, où les patrons avaient reculé concernant les cheminots, mais ils avaient pu commencer la mise en œuvre d'une vaste stratégie de démantèlement de la Sécu, dont les effets se sont fait sentir au fil des années depuis et continuent en fait. À chaque nouvelle bataille, les travailleurs partent de positions érodées par la défaite précédente, et à chaque fois, les bureaucrates recommencent la même stratégie perdante. Comme les bureaucrates sont opposés à lutter pour le pouvoir aux travailleurs, ils n'ont aucun besoin d'unifier les travailleurs en une force de frappe unie dans un seul syndicat industriel, incluant tous les travailleurs d'une branche d'industrie donnée. Comme ils ont des divergences entre eux sur comment collaborer avec les capitalistes, en fait, ils sont tout à fait satisfaits de la division en une multitude de syndicats, et la bourgeoisie utilise fort bien ces divisions pour affaiblir l'ensemble de la classe ouvrière. Comme ils pensent que l'État est immuable et un arbitre neutre au-dessus des classes, qu'on peut faire pencher de son côté, et non pas que c'est le bras armé de la bourgeoisie, ils désarment forcément les travailleurs face à l'inévitable répression de l'État, que ce soit les réquisitions des juges ou les attaques des flics contre les piquets de grève. Il ne faut pas se leurrer non plus que les fascistes, qui jusqu'à présent n'ont pas été beaucoup visibles, à part dans quelques-uns de leurs bastions traditionnels, ils se multiplieraient comme des champignons après la pluie, s'il y a une vague d'occupation qui commence à se répandre dans le pays. Comme les bureaucrates ne cherchent pas à organiser le pouvoir de la classe ouvrière contre l'État capitaliste, ils induisent dans les travailleurs l'illusion mortelle qu'on peut accepter dans les rangs syndicaux les flics et les matons, ceux-là même qui vont réprimer la classe ouvrière en lutte. Alors au congrès de la CGT la semaine dernière, Unité CGT, donc l'aile gauche, entre guillemets, est allée jusqu'à présenter comme candidate à la tête de la CGT Céline Verzelletti, qui était surveillante dans l'administration pénitentiaire. Donc il la voulait comme mettre à la tête de la CGT pour 3 ans. Nous, on dit, au contraire, flic, maton, hors des syndicats, c'est une demande élémentaire si la classe ouvrière en lutte veut même pouvoir se défendre. Donc, on voit que c'est à chaque étape de la lutte que le programme pro-capitaliste des directions syndicales fait obstacle et mine les avancées des travailleurs. C'est uniquement en partant d'un programme révolutionnaire d'ensemble qui pose l'objectif d'amener les travailleurs au pouvoir qu'on peut les organiser avec les méthodes de lutte de classe élémentaires qui, si elles n'ont rien de révolutionnaire en soi, sont nécessaires pour quiconque comprend que la victoire ne peut venir qu'en écrasant les capitalistes, pas en négociant dans le cadre qu'ils ont fixé d'avance. C'est-à-dire des occupations des lieux de travail pour véritablement stopper la production, l'organisation de la lutte contre les jaunes et la répression de l'État, y compris les réquisitions, avec des piquets que personne n'ose franchir, avec des caisses de grève, avec l'exigence de l'embauche immédiate au plein statut de tous les précaires, CDD, sous-traitants, etc. Comme nous partons du besoin d'unifier la classe ouvrière derrière un programme révolutionnaire, nous avançons la perspective de syndicats industriels, regroupant tous les travailleurs d'une même industrie dans un seul syndicat. Si on a une compréhension marxiste de l'irréconciliabilité de l'État capitaliste comme outil de domination de la bourgeoisie, on comprend qu'il faut dès maintenant organiser la défense prolétarienne des piquets de grève et des occupations et s'opposer aux réquisitions. On peut faire pression sur les bureaucrates pour les rendre ici ou là plus combatifs, mais aucune pression ne changera leur programme pro-capitaliste sur la base duquel ils font constamment obstacle aux méthodes même les plus élémentaires de la lutte de classe. Sans une direction avec une perspective d'ensemble pour mener la classe au pouvoir, la lutte de la classe ouvrière sera freinée, minée de l'intérieur et ne pourra pas progresser. Alors beaucoup de travailleurs et de jeunes parlent de la grève générale parce que c'est l'étape naturelle suivante pour porter la lutte à un cran supérieur. Mais il est clair, pour tout le monde, que ni Berger ni Martinez-Binet ne vont décréter la grève générale. D'ailleurs, ils ont cessé de promettre à la bourgeoisie qu'ils n'allaient pas le faire. Et c'est pour ça que la lutte pour une véritable grève générale est totalement inséparable de la lutte pour chasser les bureaucrates et pour une nouvelle direction. L'atmosphère dans le pays est suffisamment inflammable pour que des occupations puissent se produire et déboucher sur une grève générale. Oui, c'est une perspective que beaucoup de travailleurs peuvent voir comme réaliste et possible, mais ils ajoutent souvent que bon, là où ils sont, c'est dur, quoi. Le problème central aujourd'hui se trouve dans la gauche qui se réclame du marxisme. Il y a des milliers de militants à LO, au NPA, à Révolution Permanente qui se disent pour la grève générale. Ils ont l'implantation qui pourrait suffire pour déclencher quelques occupations qui feraient boule de neige. Mais s'ils ne le font pas, c'est parce que ça nécessiterait de rompre avec tout le cadre politique qu'ils avancent. Pour ces groupes, la façon de lutter contre les bureaucraties syndicales, c'est d'accumuler assez de pression à la base pour les faire basculer vers la grève générale au lieu de mener une lutte politique pour les remplacer avec une direction armée d'un programme révolutionnaire. Lutte ouvrière et Révolution permanente sont les deux principales organisations dans le registre des discours radicaux actuellement. Elles critiquent l'impasse où mènent les bureaucraties syndicales. Il est d'autant plus important de voir ce que ces groupes ont fait concrètement dans cette mobilisation pour comprendre en quoi ces groupes-là n'agissent en fin de compte que comme des suivistes de gauche des bureaucrates. Alors commençons par LO. Alors bien sûr, ils critiquent les bureaucrates. Je cite leur numéro d'il y a 15 jours. Ils déclarent, je cite, « C'est une véritable guerre contre les travailleurs que mène le gouvernement, qui n'est que l'état-major de la bourgeoisie. Dans cette guerre, aucun compromis n'est possible et les directions syndicales, en agitant le drapeau blanc, obscurcissent cette conscience pourtant vitale aux intérêts des travailleurs. Et c'est cela le plus grave. » Fin de citation. C'est juste. Mais s'ils s'attaquent aux symptômes, c'est-à-dire au manque de combativité des directions, et ils ne s'attaquent pas au problème de fond, c'est-à-dire le programme de collaboration de classe de la bureaucratie et la nécessité de la remplacer par une direction révolutionnaire. Ils argumentent que la réponse ne peut venir que des travailleurs eux-mêmes, que leur rôle à eux, LO, c'est de chercher à susciter des discussions parmi les travailleurs, c'est qui eux-mêmes doivent décider comment poursuivre la lutte. Et alors que faire? Ben, pour LO, il faut simplement, je cite, « continuer la lutte, nombreuse et déterminée ». Ça, c'est le titre de l'éditorial de Lutte ouvrière de la semaine dernière. Mais c'est ce que disent aussi les bureaucrates, tout en faisant activement obstacle à des occupations. LO ne fait qu'appeler l'avant-garde à continuer à se sacrifier de façon isolée, ce qui ne peut que conduire à l'usure et à la défaite. Nous cherchons au contraire à diriger la lutte en lui donnant une stratégie complètement différente. Un jeune militant de LO, je pense qu'il était déjà assez chevronné, qui intervient à la RATP, m'expliquait dans une des manifestations que déjà c'est difficile de mobiliser les travailleurs pour les journées d'action. Alors l'heure n'est-ce pas, à lancer des appels à grève générale ou à des occupations, ou encore moins à porter les travailleurs au pouvoir. Ça serait trop en avance sur la conscience des masses pour LO. Donc en fait, LO se limite à appeler à, je cite, « augmenter les salaires, pas l'âge de la retraite ». Sans doute vous avez vous avez déjà mis un autocollant de Lutte ouvrière qui dit ça exactement, il les diffuse en masse sur les manifestations, et ils ont toute une série de mots d'ordre économiques de ce genre. Alors il faut évidemment augmenter massivement les salaires, mais pour les travailleurs qui sentent bien qu'ils font face à une bourgeoisie qui leur fait la guerre, et qui ne va rien leur accorder s'ils luttent sur la base des méthodes actuelles, les travailleurs savent bien que pour gagner, il faut changer de braquet. Sortir du cadre acceptable pour la bourgeoisie et pour la bureaucratie. Mais ils hésitent à entrer dans la lutte parce qu'ils ressentent que les sacrifices personnels qu'on leur demande ne valent pas le coup vu les résultats qu'ils peuvent attendre de la stratégie défaitiste de leur direction. Pour les faire rentrer dans la lutte, il y a une voie, il faut justement leur mettre sous les yeux le fait qu'il y a un autre programme de lutte prêt à sérieusement confronter le pouvoir de la bourgeoisie en lui opposant le pouvoir des travailleurs et ainsi les mener à la victoire. LO et RP, en restreignant la lutte au cadre économique étroit qu'ils jugent seul possible, en fait, font obstacle à poser les questions révolutionnaires qui peuvent déchaîner la volonté de lutter et l'abnégation du prolétariat. Alors, ce n'est pas un débat nouveau en France. Trotsky démolissait en 1935 exactement ce type d'argument. À l'époque, c'était le PCF qui l'avançait. À une époque, il était en train de passer définitivement aux réformistes. Et le PC, donc c'était à la veille de juin 1936, il appelait à défendre les salaires et les conventions collectives et à lutter contre la vie chère. Alors, Trotsky répondait, je cite, « On ne dit pas un mot sur le caractère que peut et doit prendre, dans les conditions de la crise sociale actuelle, la lutte pour ses revendications, donc sur les salaires, etc. Pourtant, tout ouvrier conscient comprend qu'avec 2 millions de chômeurs, complets ou partiels, la lutte syndicale ordinaire pour des conventions collectives est une utopie. Pour contraindre, dans les conditions actuelles, les capitalistes à faire des concessions sérieuses, il faut briser leur volonté. On ne peut y parvenir que par une offensive révolutionnaire. Mais une offensive révolutionnaire qui oppose une classe à une classe ne peut se développer uniquement sous des monnaies économiques partielles. » Trotsky continue en posant la question, je cite, « Pourquoi des millions d'ouvriers se risquent-ils à participer à la grève générale, à des manifestations de rue agitées, à des conflits avec les bandes fascistes, mais se refusent-ils à participer à des grèves économiques dispersées ? Les masses comprennent ou sentent que, dans les conditions de la crise et du chômage, des conflits économiques partiels exigent des sacrifices inouïs que ne justifieront en aucun cas les résultats obtenus. Les masses attendent et réclament d'autres méthodes, plus efficaces. Messieurs les stratèges, apprenez chez les masses, elles sont guidées par un instinct révolutionnaire. » Citation. Cette polémique de 1935 s'applique entièrement aujourd'hui à des gens comme LO ou RP qui pensent que c'est à travers des mots d'ordre strictement économiques contre la réforme des retraites et pour l'augmentation des salaires que l'on doit d'abord, dans un premier temps, massifier le mouvement. Ça, c'est surtout RP qui utilise ce langage. Bon, alors prenons justement RP, révolution permanente. Alors, ils sont vraiment efficaces sur les réseaux sociaux. Ils ont un site qui est régulièrement mis à jour, qui est consulté par une bonne partie de la gauche radicale. Ils ont monté un réseau pour la grève générale auquel on souscrit des millions, des centaines de personnes ou quelques milliers. Ils critiquent les bureaucrates syndicaux et ils parlent même d'une direction alternative. Alors cette lutte, c'est l'occasion ou jamais de faire avancer cette perspective. Or, qu'ont-ils fait ? Ils ont en réalité avancé le même programme que lutte ouvrière, c'est-à-dire étendre la liste des revendications, mais sans jamais réellement lutter pour briser l'emprise du programme pro-capitaliste des directions syndicales. Ainsi, je vais citer Adrien Cornet, c'est un dirigeant syndical chez Total Energy, il était à la raffinerie de Grandpuits, il est militant de révolution permanente, et il disait dans Le Monde, je cite, du 29 mars, hein, c'est récent, je cite, « Donc la priorité immédiate, c'est de s'opposer aux réquisitions, et ensuite d'étendre la grève aux secteurs qui ont moins de tradition de lutte. Et pour cela, il faut absolument que l'intersyndicale étende les revendications, notez bien l'intersyndicale, à la question des augmentations de salaire. La retraite, c'est loin. Le sujet des gens, c'est comment je remplis mon frigo aujourd'hui, pas demain. » Fin de citation. Alors, là où RP se distingue de LO, donc ce n'est pas sur ce genre de choses, c'est qu'ils sont très visibles en mobilisant avec leur réseau pour la grève générale sur certains points chauds, entre guillemets, notamment là, il y a, à la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher, près du Havre. Il y avait aussi l'atelier SNCF de Châtillon, l'incinérateur de la Tirue à Ivry, etc. Quelques points comme ça. Mais en fin de compte, ils ont mobilisé le réseau simplement en soutien aux opérations menées par les bureaucrates syndicaux les plus combatifs. Ils mobilisent ainsi des militants courageux qui seront attaqués par les flics comme force d'appoint pour soutenir les piquets de grève. Il faut bien sûr soutenir et défendre ces piquets. Mais RP ne fait qu'accompagner ces bureaucrates de gauche jusqu'à l'extrême limite du possible, entre guillemets, dans le cadre du programme pro-capitaliste des bureaucrates, sans jamais remettre fondamentalement en cause toutes les règles du jeu imposées par la bourgeoisie, toutes ces lois antisyndicales et restrictions aux droits de grève, y compris l'interdiction, par exemple, aux grévistes de bloquer physiquement leur propre lieu de travail. C'est pour ça qu'ils font appel à des soutiens extérieurs. Les bureaucrates laissent les militants les plus actifs faire ce genre d'action. Ils peuvent même les solliciter à l'occasion, parce qu'ils voient bien que la stratégie de prêcher par l'exemple, de faire des sacrifices personnels sur les piquets, ça menace aucunement leur emprise sur tout le mouvement ouvrier. Et en fait, ça fait évacuer un peu de pression. Alors d'accord, c'est un inconvénient pour la bourgeoisie que le ramassage des ordures soit ralenti. Mais ce qui serait vraiment inacceptable pour la bourgeoisie et pour les bureaucrates, c'est la saisie des incinérateurs et des raffineries par des occupations. C'est une chose de ralentir la production sur un point particulier jusqu'à ce que les flics nous dégagent, mais c'est autre chose de mobiliser toute la classe avec un programme de lutte qui ferait exploser le cadre établi de concert entre les bureaucrates et les capitalistes. ERP, effectivement, a fait obstruction à nos efforts pour faire exploser ce cadre avec notre appel à des occupations. Alors, ils avaient une réunion la semaine dernière, le 27 mars, de leur réseau pour la grève générale à Paris. Donc, on y était. On était, en fait, les seuls à appeler à des occupations partout. Et c'est des appels que RP a consciencieusement ignorés. Et qu'est-ce qu'ils ont proposé d'autre pour déclencher la grève générale? Rien. Ils font beaucoup de bruit sur l'auto-organisation de la lutte avec leur réseau et leur comité d'action. Mais ceux-ci n'ont eu aucun effet pour déclencher cette grève générale, malgré leurs milliers de soutien, etc. Et la raison, c'est la cause, c'est la base politique sur laquelle ce réseau et ces comités sont construits. Cette base ne va pas au-delà d'une version combative de la bureaucratie elle-même qui fait obstruction à la grève générale. Alors le même jour, le 27 mars, il y avait aussi une AG Interfac à Paris 8, à Saint-Denis, où nos camarades sont intervenus aussi. Ils ont soumis une résolution appelant les comités du réseau pour la grève générale, donc RP derrière, à lutter pour des occupations. Alors je cite la résolution qu'on a soumise à l'AG. « Que cette assemblée générale demande au comité d'action et au réseau pour la grève générale d'organiser et de coordonner des occupations partout. » Fin de citation. Qui est-ce qui ne pourrait pas voter pour ça? Eh bien, les militants de RP qui dirigeaient l'AG, ils ont habilement manœuvré pour éviter que la résolution fasse effectivement l'objet d'un vote. Disons-le carrément, aujourd'hui, RP, malgré son réseau pour la grève générale, fait obstacle à déclencher la grève générale. Alors, leurs appels à la grève générale, tout comme ceux de LO ou même du NPA, se réduisent en fait à pousser à plus de combativité en attendant que la bureaucratie déclenche cette grève générale. LO, tout comme RP, sont toutes deux victimes de la même maladie que celle que Lénine appelait l'économisme, il y a plus de 100 ans, c'est-à-dire la tendance dans la gauche à rabaisser son programme au niveau de la lutte syndicale au lieu d'élever la lutte au niveau d'une perspective pour le pouvoir ouvrier. Alors Lénine écrivait dans Que faire, je le cite, « Oui, oui, nous avons en effet perdu toute patience pour attendre le temps heureux où nos économistes cesseront de rejeter la faute de leur propre retard sur les ouvriers, de justifier leur propre manque d'énergie par la prétendue insuffisance de force chez les ouvriers. À quoi, demanderons-nous à nos économistes, doit consister, citation, l'accumulation de force par les ouvriers en vue de cette lutte? N'est-il pas évident que c'est dans l'éducation politique des ouvriers, dans la dénonciation devant eux de tous les aspects de notre odieuse autocratie ? » Fin de citation. Alors nous aussi, on en a marre d'attendre le moment où RP cessera de nous dire qu'il faut d'abord massifier la lutte et de prétexter que la mobilisation est encore insuffisante pour aller au-delà. Nous pensons que c'est dès maintenant que la classe ouvrière a besoin d'une avant-garde révolutionnaire pour libérer l'énorme énergie qui gronde sous la surface du mouvement de lutte actuel et l'orienter sur la seule voie qui puisse mener à la victoire. Et ça veut dire l'éduquer politiquement sur tout, comme disait Lénine, hein, sur tous les obstacles qu'elle rencontre sur cette voie, et notamment Mélenchon. Alors, effectivement, la seule force politique à gauche, en mesure aujourd'hui d'exercer une influence sur le mouvement, c'est la France insoumise de Mélenchon, et la NUP qu'elle domine. Et son influence sert précisément à paralyser la lutte, à la dévier de la seule voie vers l'avant, celle d'une offensive révolutionnaire. Alors, la personne de Mélenchon ne suscite pas trop d'enthousiasme dans la classe ouvrière, mais il règne malgré tout un sentiment largement partagé qu'il faut le soutenir quand même comme un moindre mal face à Macron et Le Pen. Nous disons non, comme nous l'avons expliqué dans notre déclaration, tant que Mélenchon et la NUP maintiennent leur influence sur le mouvement ouvrier, ça signifie que les travailleurs demeurent pieds et poings liés à la bourgeoisie. Mélenchon veut être le président de tous les Français. Travailleurs, mères célibataires au chômage, et aussi Bernard Arnault, le capitaliste le plus riche du monde, comme le souligne le mélenchoniste François Rupin. Mélenchon a fait totalement allégeance au capitalisme français moribond, ce qui implique de chercher à secourir ses efforts pour maintenir sa compétitivité. Et une manière de le faire, c'est en dégradant les conditions des travailleurs. Même si Mélenchon est parfois efficace pour emballer tout ça avec des phrases et des envolées démocratiques. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une offensive ouvrière pour détruire l'ennemi qui nous prépasse. D'un côté, la seule issue pour la classe ouvrière, c'est-à-dire lutter pour l'établissement d'un gouvernement ouvrier. De l'autre, il y a la FI de Mélenchon, dont l'unique rôle politique est de précisément canaliser le mécontentement et les aspirations des travailleurs sur une voie diamétralement opposée. Tant que persistent les illusions que Mélenchon pourrait représenter une voie dans l'intérêt des travailleurs, leur lutte ne pourra pas avancer. Pour nous, la lutte pour une direction révolutionnaire n'est donc pas séparée du combat politique contre Mélenchon à chaque moment de la bataille actuelle. Mais le reste de la gauche fait le contraire. D'un côté, il y a les groupes ouvertement mélenchonistes. Par exemple, le NPA, qui s'est divisé en deux parties plus ou moins comparables en décembre dernier, sur la question de savoir s'ils devaient soutenir un peu ou beaucoup Mélenchon, et aussi s'ils doivent vraiment se diviser sur une telle question. Et Lambertiste du Poix, ils ont également scissionné il y a quelques années. Vous savez qu'il y a une aile qui a rejoint les mélenchonistes et qui a même fait élire un de ses dirigeants, un de ses membres, comme député mélenchoniste. L'autre aile, Lambertiste, n'est pas allée tout à fait aussi loin, mais ils ont aussi refusé d'appeler à ne pas voter pour les candidats mélenchonistes aux dernières élections. Alors, il y a une différence de ce point de vue-là avec LOERP qui refuse de soutenir Mélenchon et qui peuvent bien émettre des critiques de Mélenchon dans leur presse ou sur leur site internet. Et qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour combattre Mélenchon dans la lutte actuelle? Rien. Parce que le cadre économiste dans lequel ils s'inscrivent est parfaitement compatible avec le mélenchonisme. En réponse à Mélenchon, LOERP signale que ce n'est pas au travers du Parlement, mais au travers des manifestations et des grèves que la cause des travailleurs peut avancer. Mais le syndicalisme et le parlementarisme ne sont pas opposés entre eux, ils sont complémentaires. Ainsi, Mélenchon se dit pour le blocage du pays. Il a diffusé des millions de tracts appelant à tout bloquer. Il est lui aussi pour la retraite à 60 ans et l'augmentation des salaires. Il soutient lui aussi les travailleurs en grève et il proteste contre la répression et la terreur policière. Donc si on ne sort pas d'un cadre de lutte économique, il est impossible de s'opposer efficacement à l'influence du mélenchonisme. Pour vraiment combattre l'influence de Mélenchon dans le mouvement ouvrier, il faut montrer qu'à chaque étape de la lutte, en quoi Mélenchon est un obstacle à la seule issue pour la classe ouvrière, l'instauration d'un gouvernement ouvrier. Parce qu'il faut aussi rappeler que RP et LO, pour elles, l'instauration d'un gouvernement ouvrier, justement, c'est pas une question qu'il faut poser aujourd'hui. Alors prenons Mélenchon et la retraite à 60 ans. Comment croire qu'on aurait la retraite à 60 ans avec un gouvernement Mélenchon? Il faudrait s'en prendre aux intérêts des capitalistes, ce que Mélenchon ne peut ni ne veut faire. On ne peut pas résoudre les problèmes brûlants des systèmes de santé, d'éducation et autres services publics en déshérence en modifiant quelques lignes du budget. La bourgeoisie ne peut pas céder au vu des enjeux pour elle. Elle aurait tôt fait de se débarrasser d'un gouvernement qui menacerait de lui faire les poches. Le programme de Mélenchon lui-même est basé sur l'inviolabilité de la propriété privée. Donc forcément, il ne peut pas résoudre le problème des retraites dans l'intérêt des travailleurs. Alors au soir de l'avant-dernière journée d'action, donc c'était le 23 mars, Mélenchon s'est exprimé au journal de 20h sur TF1, donc devant des millions de téléspectateurs, peut-être qu'il y en avait parmi vous, et il a proposé une solution à Macron sans perdre la face, dixit Mélenchon. Donc, en l'occurrence, sa solution, c'était de renvoyer le problème des retraites aux caisses de sécurité sociale, où siègent paritairement les patrons et les bureaucrates syndicaux, et que ce soit eux qui trouvent le moyen de financer les retraites. Donc Mélenchon, il a indiqué une voie pour ça, je cite, « peut-être les cotisations qu'il faut augmenter, autrement dit, prendre sur les salaires des ouvriers pour payer leur propre retraite ». Alors, il était frappant dans le meeting pour la grève générale de RP du 27 mars, là, que j'ai déjà mentionné, que, en fait, dans ce meeting, donc pour la grève générale, ils ont offert une tribune aux écologistes et à chaque nuance de libéralisme petit bourgeois présente au sein de la NUP, sans jamais prononcer un seul mot contre les mélenchonistes. En fait, la réunion avait tout l'air d'une réunion de mélenchonistes de gauche, où on bavarde sur la surveillance sur Internet, sur l'importance des artistes dans la lutte, mais pas sur comment lutter contre le mélenchonisme, contre les bureaucrates ou pour la grève générale. Alors, vous avez peut-être aussi vu des images de l'Assemblée générale massive des cheminots et autres travailleurs Gare de Lyon le 28 mars, c'était la dernière journée d'action, où les travailleurs ont brièvement occupé les voies en solidarité avec un cheminot qui avait été éborgné par les flics. Alors on était présents ce matin-là et on pouvait ressentir, quand il y a eu ce début d'occupation des voies, l'enthousiasme qui commençait à saisir des cheminots qui jusque-là étaient assez calmes. Parce que, d'un seul coup, ils étaient excités à l'idée qu'il peut y avoir un véritable blocage de la gare. Mais les bureaucrates ont limité l'occupation à une action ponctuelle. Et au niveau politique, ce qui est ressorti de toute cette AG, c'est la plateforme politique que les bureaucrates ont offerte pendant l'AG à Clémentine Autain, donc une dirigeante en vue de la France insoumise de Mélenchon, sans qu'aucun des nombreux militants de gauche présents parmi les cheminots, y compris des membres de LO et de RP, ne la contestent politiquement. Il y avait d'ailleurs aussi Olivier Besancenot, donc l'aile la plus mélenchoniste du NPA, qui a pris lui aussi la parole et a parlé aussi de la grève générale. Bon. Alors que cette AG montrait justement le potentiel de lutte pour occuper les voies et les postes d'aiguillage, elle a eu pour seul effet de renforcer l'autorité de la direction syndicale actuelle et des mélenchonistes. Les deux choses vont ensemble. Ce sont les deux aspects de la même impasse qui mènent cette lutte à la défaite. Et LO, tout comme RP, leur servent de caution de gauche. Ils émettent quelques critiques de Mélenchon dans leurs articles, mais comme ils n'ont rien à offrir au-delà d'un cadre strictement économique, pour poser la nécessité d'une alternative révolutionnaire, ils sont incapables de lutter contre les obstacles politiques sur cette voie. Tout le rôle du mélenchonisme dans la politique bourgeoise française, c'est de pallier l'échec de la démocratie libérale. Le régime d'alternance entre la droite et la gauche, regroupé autour du PS et du PC, cette alternance a dominé la vie politique française depuis mai 68, tout ce vieux système est au bout du rouleau. Le PS et le PC, donc les partis qui avaient dominé le mouvement ouvrier depuis mai 68, ont tellement trahi les luttes de la classe ouvrière, ils ont mené tellement d'attaques contre les travailleurs sous les gouvernements Mitterrand, Jospin et Hollande, qu'ils sont plus que l'ombre de leur ombre. Mélenchon constitue la réponse à gauche pour cet effondrement, alors même que, soit dit entre parenthèses, je parlais de Jospin, Mélenchon lui-même était sous-fifre dans le gouvernement Jospin en 2001-2002. Et jusqu'à ce jour, d'ailleurs, Mélenchon est fier de ça. Alors Macron avait bien compris que l'ancien système était au bout du rouleau. Mais évidemment, il n'avait pas de réponse miracle et en fait, il a fini par accélérer l'effondrement du vieux système de parti sans pouvoir le remplacer par autre chose qu'un Jupiter de pacotille et sans pour autant freiner non plus, bien au contraire, l'expansion du populisme à l'extrême droite, le RN de Le Pen, et à gauche, la France insoumise de Mélenchon. La bourgeoisie ne veut pour le moment ni de Le Pen ni de Mélenchon, mais c'est des options auxquelles elle peut avoir recours. Il s'agit dans les deux cas d'organisations bourgeoises qui veulent gouverner l'État capitaliste au nom de tous les Français, qu'ils soient les exploiteurs capitalistes ou les travailleurs que ces exploiteurs exploitent. Et il n'y a qu'une manière de faire ça, c'est en servant le capital contre les travailleurs. Alors Mélenchon essaye de faire attendre des miracles d'une assemblée constituante et d'une 6e République. Mais comme on l'écrit dans notre déclaration, on ne résout pas les problèmes de l'impérialisme français qui sont à la source des attaques actuelles contre les travailleurs en réécrivant simplement ces textes de loi. Ni non plus d'ailleurs avec des référendums d'initiative citoyenne, donc le RIC des Gilets jaunes. Mélenchon veut faire croire à la possibilité d'un renouveau du parlementarisme, alors qu'une majorité de jeunes et d'ouvriers se détournent aujourd'hui des élections. C'est tout simplement une chimère pour dévoyer les luttes de la classe ouvrière de la seule perspective réaliste dans ses intérêts, à savoir de chasser Macron, tous les représentants de la bourgeoisie et tous ses laquais, et porter les travailleurs au pouvoir grâce à la révolution prolétarienne. Lors des dernières présidentielles, une bonne partie des électeurs qui ont voté Mélenchon l'ont fait dans l'optique d'empêcher un deuxième tour entre Macron et Le Pen. Mais ce n'est pas Mélenchon qui constitue un obstacle à Le Pen. La croissance électorale de l'extrême droite est due à la démoralisation résultant du fait de voir la gauche au pouvoir s'attaquer aux intérêts les plus élémentaires des travailleurs et des opprimés. Et Mélenchon au pouvoir trahirait nécessairement les promesses qu'il fait aux travailleurs. L'optique même du moindre mal n'amène qu'à des cycles de défaites. D'ailleurs, au nom du moindre mal, la gauche a voté Macron contre Le Pen. Et ainsi, ils ont renforcé Le Pen comme la seule force politique opposée à Macron. Le vote Mélenchon, c'est répéter encore une fois le même cycle. La seule manière de combattre efficacement l'influence du mélenchonisme, c'est de pousser en avant une issue révolutionnaire à cette lutte aujourd'hui. Il n'existe aujourd'hui aucune force politique réelle qui ait même la prétention d'organiser la lutte des travailleurs pour les porter au pouvoir. Il faut construire cette force. Nous nous battons pour construire un pôle révolutionnaire dans le combat politique au sein de la gauche pour faire sortir la lutte de classe de l'impasse où l'a menée la gauche actuelle, la gauche elle-même. Il faut que ce pôle révolutionnaire se renforce et grandisse et devienne une force capable de remplacer les directions actuelles de la classe ouvrière pour forger l'outil dont elle a besoin pour lutter pour le pouvoir, un parti ouvrier révolutionnaire. Il n'est pas trop tard pour lutter pour une autre stratégie sur votre lieu de travail, votre lycée ou votre fac, mais le temps presse. Discutez nos perspectives politiques dans vos AG et vos organisations et rejoignez-nous dans cette lutte. Voilà, je vous remercie. On passe alors à une période de débat. Vous avez le droit d'exprimer vos opinions, vos différences, poser vos questions. Je vous demande seulement de ne pas dépasser 3 minutes pour assurer que tous ceux qui voudraient parler aient l'opportunité de le faire. Donc, allez-y. Au mois d'octobre, tous les militants de la FCI ont pu voir dans les manifestations la banderole du syndicat CGT-PSA Poissy qui était en train de se faire expulser de la CGT. Bien que toutes les organisations pseudo-révolutionnaires, ce que vous appelez maintenant le pôle révolutionnaire, ont essayé d'empêcher cette expulsion, ils ont été expulsés de la CGT. Bon, ils ont trouvé une bonne place de bureaucrate à la Sud. Mais donc, pour une direction révolutionnaire des syndicats, le cas de la CGT et PSA Poissy montre que ce n'est pas exactement l'ordre du jour. Et la présentation d'Alexis, il n'y a pas le soupçon d'un indice de comment ça pourrait arriver que les directions syndicales soient virées. En plus, on n'a parlé que de la CGT. Je ne sais pas dans la CGT s'il y a des indices de possibilité de virer Berger, etc. Donc, ça serait intéressant de voir. Pourquoi alors? La FCI ne s'intéresse maintenant qu'aux syndicats. En France, c'est 8-10% de syndicats. Donc la FCI ne s'adresse pas à 90% de la classe ouvrière. Qui sont ces 90% de la classe ouvrière qui ne sont pas syndiqués? Ce sont ceux qui subissent les conditions de travail les pires, qui sont virés s'ils se mettent en grève. Alors s'ils occupent, là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais peut-être qu'ils seront félicités par le patron. Donc, on parle de qui? On parle des femmes. On parle des banlieues qui ont disparu. 4 pages du bolchevique et de spartaciste. Pas de banlieue, pas de jeunes en banlieue, pas d'immigrés, pas de sans-papiers. Pourtant, c'est eux qui sont au bas et qui s'en prennent plein la gueule. Donc, 90% de la classe ouvrière, la FCI ne s'y adresse pas. Pourtant, le programme de transition et Trotsky, eux, ils ont un axe. Comment mobiliser les couches qui ne sont pas syndiquées, c'est-à-dire les couches qui sont le moins conscientes? Ce sont par des comités d'action, de grève, des choses comme ça. Remarquable, ni les 4 pages, ni la présentation ne parlent de comment mobiliser la classe ouvrière. On ne parle que des syndicats et de ce qui se passe dans les appareils bureaucratiques. Trotsky, le programme de transition, ils insistent là-dessus. Si vous voulez mobiliser toutes les couches de la classe ouvrière, c'est par ce genre de comité, de grève, d'action, etc. Et cela pour déboucher sur des organes de double pouvoir, ou des embryons d'organes de double pouvoir. Parce que votre appel en agitation, vous diffusez ça partout, au pouvoir des travailleurs, s'il n'y a pas d'organes de double pouvoir, c'est juste du baratin, c'est juste de l'aile gauche de Mélenchon. Donc, la FCI ne parle pas, ne s'adresse pas aux 90% de la classe ouvrière qui ne sont pas syndiqués, et n'a aucune proposition pour organiser la classe ouvrière un jour, pour aller vers ce que vous appelez le pouvoir des travailleurs. Alors en plus, vous agitez, vous croyez vraiment en mai 68. Non, malheureusement, ce n'est pas mai 68. Ça fait 3 minutes. Ça fait déjà 3 minutes? Oui. Excusez-moi. J'ai perdu les petits SLT. Quelqu'un d'autre? Est-ce que tu voudrais répondre? Quelqu'un d'autre? Moi? Moi, je ne suis pas du tout à l'aise hein, sur les 3 minutes. Vous appelez à Macron dehors. Il n'y a pas de double pouvoir, à ce que je sache. Je ne crois pas que vous l'analysiez comme ça non plus. Et dans ce cadre-là, vous rentrez dans le jeu électoral. Et ce qui est, dans cette perspective, ce qui risque fortement de se passer, c'est que Le Pen se fasse élire. On a pu voir d'ailleurs dans certaines villes qu'il y avait des cortèges dans les manifestations syndicales de RN. Donc, ça c'est une question. Une autre question. Je ne sais pas comment ça se prononce, dans le bolchevique grec du 7 décembre 2022, vous dites en préambule, je cite, « L'article suivant est traduit du numéro 67, version anglaise du Spartacisme, août 2022. Depuis la rédaction de cet article, la pression des manifestations de masse à travers la Chine, que nous défendons ?» C'est le « que nous défendons » la question. Si on suit le fil Twitter, par exemple, de la SLB, on arrive très vite, ou via cette déclaration, à des organisations réactionnaires, ou même Falun Gong. Je voudrais savoir, vous défendez sérieusement Falun Gong? Parce que c'est ce que vous êtes en train de dire. Moi, la seule manifestation d'ouvriers que j'ai pu voir, c'était une manifestation où les ouvriers demandaient à être confinés. Les bureaucrates ne les confinent pas, c'est d'après eux. Donc ça aussi, je voudrais une réponse. Voilà. Et enfin, pendant 3 ans, la ligne officielle, il n'y a pas eu de parution, et la ligne officielle, c'était « on ne parlait pas à cause du Covid ». Pour moi, c'est un mensonge, et je voudrais savoir jusqu'où ça va. Quand on commence avec ce type de politique, jusqu'où on va ? Les camarades ? Oui, j'avais plusieurs questions, peut-être que vous pourriez y répondre. Sur le milieu étudiant, parce que vous avez beaucoup parlé, bon, sur comment on fait de la stratégie pour essayer d'attirer, moi je suis étudiant, mais pour essayer d'attirer de plus en plus d'étudiants ou de lycéens dans la lutte, etc. Parce que moi je vois, là il y a un regain, etc. Mais on reste quand même une minorité actuellement à bloquer, même si on fait des élections de plus en plus grosses, on est quand même encore minoritaire dans nos groupes de gauche respectifs ou syndicaux à essayer de bloquer. Mais quelles sont les perspectives pour vraiment attirer, comme ça s'est vu par le passé, les étudiants ou les lycéens? Donc voilà, c'est une des premières questions. Une deuxième question, c'est, vous avez beaucoup parlé de la CGT ou de certains nombres de syndicats. Quel est votre point de vue par rapport à certaines sections de l'Union syndicale solidaire? Parce que je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Également, qu'est-ce que vous pensez également, par exemple, de la CMT ou de certaines factions de l'anarcho-syndicalisme qu'on voit en manifestation? Voilà. Voilà. Et sinon, j'ai une autre question. Également, moi, je suis beaucoup dans les Gilets jaunes. Je suis membre des Gilets jaunes d'Île-de-France. D'ailleurs, sur un des groupes, le meeting de ce soir avait été partagé par un certain nombre de camarades. Et donc, voilà, sur ce, il y a actuellement, moi je vois avec les Gilets jaunes, il y a un grand désaveu des partis politiques traditionnels, du syndicalisme traditionnel, où les gens ne se sentent plus du tout représentés et forment d'autres luttes, peu importe les affinités. Alors des fois, il y en a, on a essayé de récupérer, donc qui ont voté très à gauche, d'autres en fait qui peuvent basculer des fois d'un vote d'extrême gauche à un vote d'extrême droite, mais pas forcément parce que. Et qui ne comprennent pas forcément la droite, la gauche, etc. Comment on fait avec ce type de classe-là actuellement qui a perdu les repères à cause notamment de la trahison et de la fin de la lutte de classe d'un certain nombre de grands partis comme qui était le Parti communiste par exemple ou un certain nombre de mouvements importants ou la grande CGT révolutionnaire. Et qu'est-ce qu'on fait pour cette classe-là un peu du coup qui est perdue mais qui est ressorti avec les gilets jaunes et qui continue à lutter. Par exemple, on voit dans les manifs beaucoup plus de gens dans les cortèges de tête. Différents des milieux syndicaux dans des sortes de cortèges autogérés de gilets jaunes ou d'autres mouvements qui se sentent plus représentés par le parti ou le syndicalisme, voilà, comment on leur répond. Et sinon, j'ai une dernière question, c'est peut-être y répondre également. C'est, j'ai vu également en province qu'il y avait pas mal de blocages de la Confédération paysanne. Donc, quel est votre rapport avec la petite paysannerie dans le processus révolutionnaire? Et également, comment on répond aux petits commerçants là, qui sont en lutte également. On a vu des boulangers qui ont manifesté contre l'inflation, les problèmes, etc. Comment on répond à cette classe-là, qui n'est pas la classe ouvrière, mais qui est aussi en lutte dans le processus révolutionnaire. Voilà. Oui, je voulais répondre. La question, c'est si on sait très bien qu'aujourd'hui, la classe ouvrière, elle n'est pas à la veille de prendre le pouvoir, mais si on ne dirige pas la lutte dans cette perspective-là, déjà, on ne pourra pas obtenir les concessions, le maximum de concessions, et on ne pourra pas préparer les étapes prochaines de la lutte. Et c'est la même chose qui s'est passé pour les confinements. Les mêmes qui trahissent aujourd'hui la lutte, c'est ceux qui ont soutenu l'unité nationale ici derrière Macron et qui soutiennent leur bourgeoisie aussi en la question de l'Ukraine. En Chine, la position trotskiste, c'est simplement la défense de l'État ouvrier. Pourquoi ? Parce qu'en 1949, effectivement, il y a eu une révolution qui a exproprié la bourgeoisie, mais qui était déformée depuis le départ. Et qui est dirigé par une bureaucratie. La seule défense de l'État ouvrier chinois ne peut se faire que du point de vue d'organiser la révolution politique prolétarienne pour chasser la bureaucratie chinoise. Or, les confinements, c'est exactement le contraire que ça fait, c'est-à-dire que ça cadenasse la classe ouvrière dans ses usines, ça les emprisonne chez eux, et c'est ce que la bureaucratie chinoise a fait. Et en fait, si c'est complètement à l'opposé d'être pour le contrôle de l'ouvrier sur la santé au travail. Donc moi, ça ne m'étonne pas que ceux qui continuent à soutenir les confinements de la bourgeoisie, de la bureaucratie, attaquent mon parti, la LPF. Oui, il va répondre quelques questions d'abord. Après, on continuera avec le débat. Oui, juste brièvement, ce que disait Xavier, je pense que mon camarade a déjà répondu, mais dans le fond, on a là une version un peu évoluée. C'est une version un peu évoluée de ce contre quoi j'ai argumenté pendant une heure, c'est-à-dire l'auto-organisation et qu'il fallait des comités, etc. Or, révolution permanente, justement, sur la base de quel programme ? Ils m'ont dit leur programme, c'est le suivisme face l'économisme de la bureaucratie syndicale, c'est le même programme. Xavier, on a entendu la même chose, et aussi les trucs démoralisés sur le fait que les occupations ne sont pas à l'ordre du jour. Quoi. Bon. Alors, en ce qui concerne les questions sur le milieu étudiant, ce que nous on dit, c'est il faut se saisir de notre propagande, on appelle à des occupations. Si tu penses que c'est ça qu'il faut faire, ben allons-y, prends des tracts, lutte pour cela dans ta fac, et voilà, et on va certainement vouloir t'aider et lutter avec les obstacles que sont justement lutte ouvrière, RP et les autres groupes qui vont essayer, qui sont eux qui freinent en fait la lutte aujourd'hui, quoi. Alors, sur effectivement, on n'a pas parlé, de Solidaire et de la CNT, mais ça n'a pas, beaucoup d'importance, je crois, parce que la politique, elle est la même. La CNT ou la, mettons, Sud, Solidaire, c'est un syndicat comme un autre qui, comme je l'ai expliqué, lui aussi, il accepte la division des syndicats. Ils ne sont pas d'accord avec la CGT sur différents trucs, ils ne sont pas d'accord avec la CFDT, donc ils sont bien conscients d'être séparés parce qu'ils n'ont pas ils acceptent le cadre du système capitaliste. Donc ils n'ont pas besoin de lutter pour l'unité de l'ensemble des travailleurs dans un seul syndicat industriel. Donc, c'est ça que nous on met en avant. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la petite bourgeoisie dans notre propagande. Il est évident qu'elle est beaucoup mobilisée, mais je crois que ce que cette lutte montre, c'est... Enfin, la question, la petite bourgeoisie, elle sera mobilisée derrière le prolétariat, où elle reculera, ses intérêts reculeront également. Voilà, donc le programme que nous, on met en avant, c'est un programme pour une direction révolutionnaire à cette lutte, en posant la question des occupations pour faire exploser le cadre dans lequel les bureaucrates mènent la lutte à la défaite. Et voilà. Alors je crois que sur les Gilets jaunes, effectivement, il y a beaucoup de choses que tu as dit sur leur désaveu de la gauche, etc. Ceci dit, les Gilets jaunes n'ont aucune perspective politique non plus, ou le RIC, je l'ai mentionné. Le RIC, c'est aussi une manière de modifier la démocratie bourgeoise. Mais ce qui est posé avec cette lutte, c'est que tout ça... c'est pas ça qui est à l'ordre du jour. Il y a d'un côté la bourgeoisie qui doit écraser les travailleurs, et de l'autre côté, il y a les travailleurs qui doivent comprendre les enjeux à leur hauteur, qui aient une perspective, qui comprennent là où on veut aller, c'est d'écraser la bourgeoisie, et sur cette base, de se doter du programme qui est nécessaire. Moi, j'ai une question. Je suis assez étonnée en fait de la présentation du système, parce que à travers toute l'Europe aujourd'hui, la France est regardée, pas qu'en Europe, à travers en particulier non seulement la dureté de la répression et des manifestations, mais également l'attitude de la police, qui aujourd'hui, ce soir, n'est absolument pas du tout évoquée, alors qu'il y a eu des arrestations complètement aléatoires, complètement sidérantes, des projets de loi pour restreindre des manifestations, un durcissement complet contre des mouvements, notamment écologistes, sur les grandes bassines, etc. Des gens qui se sont retrouvés en manifestation, notamment donc, sur les grandes bassines, avec aucun service d'ordre pour les protéger contre les flics. Aujourd'hui, quand on parle de direction révolutionnaire des syndicats, il y a forcément la question de l'État, il y a forcément la question de la répression, et défendre des piquets, c'est pas juste prendre la direction du syndicat, c'est aussi assurer la défense des militants qui s'y trouvent. Et je vois strictement rien sur le sujet. Ce qui m'inquiète aussi, c'est, j'entends mettre sous les yeux des ouvriers le programme de la victoire. Si ça suffisait, ça serait bien, mais je crois qu'il y a une conscience qui s'y oppose, qui est que le communisme est mort, qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de partis communistes et autres, et ce qui fait la déliquescence aujourd'hui du PS et du PC, c'est pas tellement le nombre de défaites qu'ils nous ont apportées, c'est le fait qu'aujourd'hui la bourgeoisie n'a plus besoin de partis ouvriers de masse pour appliquer son programme de rapine impérialiste, aussi bien en France qu'en Afrique, qu'en Asie, etc. Et aujourd'hui, en fait, c'est toute l'Europe qui est aussi secouée par ce qui se passe en France, parce que ça montre aussi qu'il y a une possibilité de résister. Et il y a eu énormément de témoignages à travers l'Europe sur le fait que les Français avaient raison. Il y a eu des mots d'ordre en Grande-Bretagne sur « soyons un peu plus français », etc. Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que la France est le pays de la révolution des libertés et des lumières. Je suis juste en train de dire que ça a éclairé d'une façon positive un ensemble de combats à travers l'Europe. Et en fait... Dans cette présentation, on a l'impression que la France est absolument fermée sur elle-même. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que les femmes, aujourd'hui, à travers ce qui se passe au niveau des retraites, elles sont particulièrement ciblées. il n'y a strictement rien là-dessus, c'est-à-dire que les retraites des uns, c'est les retraites des autres. Enfin, je ne sais pas, je me questionne sur pourquoi cette question-là ne revient pas à la surface, alors qu'elles sont typiquement dans les manifestations, elles sont typiquement très en pointe sur ces points-là, notamment dans les milieux de la santé, et il n'y a strictement rien là-dessus. Je suis assez, en fait, moi je pourrais dire, j'ai l'impression, moi, quand j'ai lu l'article, que c'était quelque chose qui était écrit d'ailleurs. Voilà, je m'arrête là. Alors, Attendez. Bon, rapidement, je suis indépendant pour le moment, bien que je sois à l'aide d'une, si on peut dire, actualisation du socialisme révolutionnaire, au profit d'un socialisme de libération dont on peut parler, qui consiste à s'émanciper à la fois du règne du capital et de ses instruments, pour faire vite. Ce que je disais, en fait, pour reprendre à ce que disait le camarade, pour se viser la classe ouvrière, puisqu'il était dit en général, je dirais que même si les syndicats et même les grèves, vu l'époque actuelle et tout, c'est pas une fin en soi, parce qu'en vue la victoire qui consiste à faire tout ce que vous capotez ce projet, selon les critères de la propre classe ouvrière, c'est pas une fin en soi, parce qu'il y a d'autres actions promenées comme des fronts, la désobéissance civile, concrètement sur le terrain, et ainsi de suite, autant que possible, pour nous affirmer également, quoi. Et par rapport à ce que tu disais, je pense qu'en fait, viser les travailleurs et individus les plus conscients partout, qui sont ni que dans les syndicats, ni même partout où on peut les trouver, le moins susceptible d'être ouvert aux idées révolutionnaires, on y va. Après, ça dépendra de sa pratique, son service, qu'on mettra à son tour pour faire vite ce qu'on appelle la stratégie de la chaîne. Donc, en débat, je ne vois pas d'autres méthodes. Puis après, par rapport à ce qu'on a dit pour Barata Mélenchon, hormis isoler les réformistes théoriquement et à coup de slogan, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ni crier par exemple au trait, ni cautionner le pauvre Mélenchon et tout, mais expliquer le pourquoi du comment pour la possibilité. D'abord, grosso modo, les acquis sociaux dites 30 glorieuses et maintenant c'est une période totalement révolue, c'est plus que jamais accompagné, une fois que ça n'a jamais été les acquis sociaux et le capitalisme, pour les autres, c'est comme nous et le feu, l'un n'est pas fait pour l'autre dans les mêmes optiques, c'est comme Mario et le feu, mais s'il y a eu, parce qu'un bourgeoisie a lâché du lest pour les raisons qu'on connaît rapidement. Et il faut expliquer qu'en vrai, quand on regarde la raison de l'impossibilité, quand on voit plein d'espoir, nous sommes chez les gens qui disent que Mélenchon doit faire ceci, on explique clairement le pourquoi et comment pour mettre en pièce et progressivement isoler les perspectives réformistes. Il n'y a pas de raccourci aussi sur le capitalisme aurait été renversé depuis longtemps, si on peut gagner la classe ouvrière et d'un coup. Ce qui mène à ce qu'a soulevé le camarade sur la question de la petite bourgeoisie, des étudiants et tout. Bon, pour ma part, je pense que même si le proscrit a eu un certain apport dans le domaine, surtout par rapport à l'époque où la petite bourgeoisie était puissante, je pense que c'est le socialisme de libération, du fait qu'il veut s'émanciper du capital, de l'État bourgeois et même ses instruments qui peut apporter des réponses à ces questions, sans pour autant qu'on fasse des concessions aux préjugés que développe la petite bourgeoisie naturellement, dans la mesure où, comme tout le monde, excepté les bourgeois, le socialisme de libération, pour ceux que ça intéresse, tout le monde y a intérêt, en fait, du fait qu'on est écrasé par non seulement par le capitalisme, mais même les charges, les factures, l'électricité, que même les petits commerçants et tout subissent également. Le règne de l'argent, en fait, lui-même, pour faire vite, auquel il faut en finir en lien avec la propriété collective, et ainsi de suite. Et par rapport à ce qui a été dit sur les gilets jaunes, Mélenchon et tout, pour finir, j'explique parce que, déjà hormis la démoralisation, le réformisme, il est instinctif et encore une forme de réformisme timide au mieux. Et c'est à partir de là que c'est à nous de jouer. Ce qui me paraît bon, c'est donc la stratégie de la chaîne, puis pourquoi lui comment de l'impossibilité de chaque argument pour démontrer la justesse des idées, quoi, si on peut dire. Puis pour ceux qui me connaissent ou pas, je suis actuellement dans ce réseau de gilets jaunes révolutionnaires, du plateforme jaune, puis je suis aussi syndicaliste à CNTS. La différence, donc, c'est que il y a la même différence théorique, mais au niveau de pratique, ça change pour ce qui est CNT, CNTAIT, CNT, Solidarité ça, ouvrière, plus un autre projet. Pardon, ça fait trois jours. Ouais, au bon moment, ça. Ouais. Allez-y, madame. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. Je ne peux pas répondre à tout. Je voudrais juste faire une remarque sur ce que vous avez dit et ce que vous avez écrit dans votre belle banderole rouge avec le mot « communiste international ». Mais malheureusement, à mon avis, rien ni de communiste ni d'international dans ce que nous avons entendu aujourd'hui de votre part. Et il y a une chose que je voudrais dire, vous avez fait une belle citation de Lénine sur l'économisme. Eh bien, vous êtes en plein économisme. Vous nous avez parlé, voilà, des petites choses qu'on peut faire pour améliorer les syndicats pour améliorer ceci, cela, dans la lutte immédiate. Ben non, des luttes immédiates, il y en a. Il y a des luttes formidables. Les travailleurs essayent de réagir à l'offensive de la bourgeoisie, qui est une offensive tous azimuts. Bon, mais qu'est-ce qui manque? Comme vous le dites, il manque la direction révolutionnaire. Je ne dirais pas des syndicats parce que c'est trop précis. Il y a plein d'organisations immédiates possibles. Il faut un parti révolutionnaire. Comment est-ce qu'il peut être? Il faut qu'il soit international, parce que la bourgeoisie est internationale et le prolétariat est international. Il faut une direction internationale. Et il faut, comment dire, un parti qui, au lieu de nous dire remplacer les bureaucrates, gouvernement ouvrier, etc., se rende compte qu'il ne s'agit pas de gouvernement, il s'agit d'État. L'État, c'est-à-dire le bras armé de la bourgeoisie, sur tous les, dans tous les terrains et dans tous les pays. Alors, malheureusement, hélas, le trotskisme parle beaucoup de gouvernement ouvrier, éventuellement gouvernement ouvrier dégénéré, etc., etc. Tout ça, c'est faire bien des fleurs à la Chine, à la Russie, etc., qui ne sont pas des gouvernements ouvriers dégénérés, etc., qui sont bel et bien des États impérialistes. Donc, sur quoi on doit se battre? On doit se battre contre les États impérialistes et les bourgeoisies qu'il y a derrière, bien évidemment. Point. Quelqu'un d'autre? Je vais répondre à certains des commentaires qui ont été avancés un peu plus tôt dans la discussion, par les aviez notamment et de dans le monde. Je pense que ça nous permet de vraiment souligner c'est quoi la différence entre ce que nous on a mis de l'avant aujourd'hui puis le reste de la gauche française. Hein. Parce que vous aviez exprimé clairement la lutte pour une direction révolutionnaire, c'est pas à l'ordre du jour. Et c'est ça qui nous distingue, nous. Nous, on dit non, c'est à l'ordre du jour, dès maintenant. Et c'est précisément parce qu'on n'est pas, parce que le mouvement ouvrier n'est pas mené par une direction révolutionnaire que c'est défaite après défaite après défaite depuis des années. 2003, 2010, 2016, 2018, 2019. Les travailleurs français sont combatifs, ils sont casse-battre et ça finit en défaite à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'ils sont menés par des directions pro-capitalistes. Et ils font face à un ennemi qui est déterminé, qui a une bourgeoisie qui a vraiment juste une option devant elle, c'est casser cette résistance de la classe ouvrière. Mais les travailleurs ici sont menés par des gens qui ne veulent même pas poser la question d'amener la classe ouvrière au pouvoir. Alors qu'est-ce qu'il leur reste comme option? Ah ben, on va chercher un compromis, négocier, essayer de convaincre Macron du caractère injuste de sa réforme, mais jamais d'organiser dès maintenant la classe ouvrière avec les méthodes de lutte qui lui permettraient de gagner puis d'avancer. Parce que pour faire ça, il faut poser l'objectif où on s'en va. Un gouvernement ouvrier, porter les travailleurs au pouvoir. Alors qu'est-ce que Xavier contrepose à ça? Parce que c'est pas pour ça qu'il veut lutter. Ben, il faut des demandes dirigées vers les femmes, les jeunes de banlieue, les immigrants, les couches non syndiquées. Évidemment, évidemment qu'il faut, il faut apporter une solution aussi à ces problèmes-là. Mais qui, sinon une direction révolutionnaire? Pour unifier toutes ces luttes-là, il faut, pour unifier ces luttes-là, c'est la question de la direction, hein, d'un programme révolutionnaire dirigé contre la bourgeoisie, puis qui est capable de les unifier vers la seule solution pour mettre fin à toutes ces oppressions. Même chose pour syndiquer les non-syndiqués. Hein, comment on va transformer les syndicats en organes de lutte de la classe ouvrière si c'est avec des directions pro-capitalistes qui sont déjà vendues à une classe? Hein? Même chose de la répression qui a été soulevée. Comment est-ce qu'on peut même commencer à organiser les travailleurs contre la répression de l'État s'ils ne sont pas menés par des marxistes qui ont une conception de l'État comme, comme outil de répression de la bourgeoisie? Alors c'est ça la ligne qui nous différencie avec le reste de la gauche française. Nous, on essaie dès maintenant d'avancer de la lutte pour une direction des pour une direction révolutionnaire du mouvement ouvrier, puis de faire tomber les obstacles sur cette voie-là. Et c'est ça que vous refusez de faire. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est l'économisme qui a tué le mouvement ouvrier depuis 50 ans. Et moi, j'ai subi cet affront. J'ai travaillé 27 ans dans le livre. Et on nous disait, oui, on a gagné, ci et ça. Aujourd'hui, il y a des milliers de travailleurs du livre qui ont été licenciés par la bureaucratie. Et je pense qu'avec les soutiens des autres formations de gauche. Et je pense que aujourd'hui, le problème pour qu'on gagne sur la situation actuelle, c'est effectivement ce qui est inscrit sur cette merveilleuse banderole pour une direction révolutionnaire des syndicats. Et la perspective d'un syndicat industriel, pour moi, c'est une des situations les plus adéquates. Et ça implique aussi, à la différence de la camarade tout à l'heure, qui disait que le communisme était mort, moi je pense que le communisme n'est pas mort. C'est l'expérience de la Ligue trotskiste internationale et de la Ligue trotskiste de France qui a permis à un simple militant ouvrier comme moi de rompre avec et le stalinisme kotchevien et le stalinisme chinois et le gauchisme des petites organisations qui oublient les travailleurs. Et ça a permis d'arriver à une position marxiste en étudiant vos positions et que, effectivement, aujourd'hui, vous êtes la seule organisation révolutionnaire que les travailleurs, les prolétaires comme moi, sont heureux d'avoir pour pouvoir poursuivre la lutte jusqu'à la prise du pouvoir et la dictature du prolétariat. Donc il y a plusieurs qui parlent des femmes, qui parlent des minorités, qui parlent des immigrés. Et bien sûr, cette attaque contre les retraites cible particulièrement les femmes. Ça cible tout le monde, c'est ça, les jeunes de banlieue. Donc toute la vie, c'est quoi? C'est le chômage, l'intérim, le chômage, etc., etc. Et donc, comment on lutte, comme le camarade a dit, comment on lutte contre la pression des femmes, comment on lutte pour la libération des femmes et contre la pression raciale? Bon, c'est en luttant maintenant contre les obstacles qui maintiennent le système capitaliste, c'est-à-dire la direction du programme pro-capitaliste de la bureaucratie syndicale, c'est-à-dire le gouvernement capitaliste, les moindres mal, les illusions contre le moindre mal de Mélenchon, qui vont poursuivre et maintenir le système capitaliste qui écrase, qui épuise les femmes, les minorités et tous les travailleurs. Donc c'est ça qui est posé aujourd'hui et je trouve vachement démoralisateur en fait. Il y a Philippe au début qui parle de je ne sais pas quoi, que oh, si on dit Macron dehors, c'est un truc électoral ou quelque chose comme ça. Macron dehors, c'est contreposé à un gouvernement ouvrier. Moi, personnellement, ça c'est pourquoi j'ai adhéré il y a 30 ans ou quelque chose comme ça. Parce que pour moi, la révolution socialiste en 1917, c'était pas utopique, c'était le truc le plus réaliste. Et je pense aujourd'hui, dans les manifs, les ouvriers, les travailleurs, ils ont dit ça depuis des semaines. Et pas simplement les opposants, mais les travailleurs. Arrête avec les journées pelées. Il faut maintenant bloquer la production, bloquer le pays. Et nous sommes les seuls à donner une réponse à ça maintenant. Donc il n'y a pas les autres, c'est pourquoi on dit qu'il faut construire un pôle révolutionnaire. Et tout ce que j'entends, c'est soit le libéralisme, ce secteur ou là, mais pas un programme révolutionnaire maintenant, ou c'est la démoralisation que, oh, si on dit ça, ça va mener au Rassemblement national ou quelque chose comme ça. Donc, non, je pense pour une direction révolutionnaire des syndicats, étrancher les grands généraux. Quelqu'un d'autre? Bon, moi. Erica. Parler aussi, si c'est possible. Oui, attends. Je voulais juste m'adresser à la question de Jean Camard sur la paysannerie et tout, la petite bourgeoisie. Je crois que la question clé, c'est toujours la direction révolutionnaire. Il faut mobiliser la classe ouvrière à la tête des masses appauvries, de la petite bourgeoisie, dans la lutte pour leurs intérêts. Et beaucoup de ces intérêts sont des intérêts en commun. La petite bourgeoisie, on parle de boulangers, de plombiers, des artisans en général. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'éducation gratuite pour les enfants, logement de qualité, services qui marchent. Ils sont, comment on dit, ahogados. Ils sont étouffés. Étouffés par les banques. Évidemment, l'expropriation sans compensation des banques, ça, c'est dans l'intérêt et de la petite bourgeoisie et de la classe ouvrière. Des comités de vigilance des prix. Tous ces genres de choses sont dans l'intérêt de la classe ouvrière et de la petite bourgeoisie. Mais évidemment, ce n'est pas la direction actuelle de la classe ouvrière, soit des syndicats, soit les sociodémocrates du PCF ou du PS, qui ont l'intérêt de mobiliser l'ensemble de la classe ouvrière à la tête de toutes ces masses de petits bourgeois appauvris. Donc c'est toujours la même lutte, la lutte pour une direction révolutionnaire. Moi, je voudrais faire quelques commentaires en réponse à quelques-unes des questions que vous avez posées. Premièrement, vous avez évoqué la question de la lutte dans les autres pays, ailleurs en Europe. Et je voudrais dire que depuis le début de l'année, ça fait trois pays majeurs en Europe où il y a des énormes luttes ouvrières, la Grèce, la France et la Grande-Bretagne. Et dans chacun de ces trois pays, on a vu la même chose. Alors en Grèce, après l'accident de train mortel, il y a eu des grèves générales, il y a eu des mobilisations de masse. Il y a dans ce pays un parti communiste de masse. Nous, on a appelé à ce parti communiste à prendre le pouvoir. Et le Parti communiste grec refuse de faire cette chose alors qu'il se prétend être révolutionnaire. En France, et Alexis l'a bien expliqué, les gens se mobilisent semaine après semaine, les grèves, ça ne cesse pas, et la direction des syndicats et de la gauche refuse de faire ce qu'il faut et de mobiliser pour le pouvoir ouvrier. Moi, j'ai milité pas mal dans les derniers mois en Grande-Bretagne, et c'est exactement la même chose, la gauche et les dirigeants syndicaux refusent même d'organiser des grèves efficaces, des piquets de grève que les gens ne traversent pas. Pourquoi ils font ça? Parce qu'eux, ils ne veulent pas rompre avec le cadre du capitalisme. Alors, c'est la même leçon dans tous ces pays d'Europe. C'est que même pour gagner des réformes les plus minimes, les retraites, les augmentations de salaire, même pour gagner ces choses-là, il faut que ces luttes soient dirigées par des communistes. Parce que les autres, ils ont un cadre où la lutte... Ils partent déjà du principe qu'on ne veut rien chambouler dans le système actuel. Donc on a déjà perdu, même avant de commencer. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je voudrais dire sur la question des femmes que vous aviez évoquée. On pourrait très bien en dire plus sur la question des femmes, et je pense qu'on devrait le faire. Mais la question par rapport aux femmes, c'est encore la question de quel programme pour libérer les femmes. Parce que c'est vrai que les retraites touchent beaucoup les femmes. Mais comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Comment est-ce qu'on va obtenir pour les femmes leur libération du joug de la famille, etc. C'est justement en luttant pour un mouvement communiste des femmes et non pas en élisant des gens comme Mélenchon au Parlement ou des gens en faisant voter des lois un peu plus féministes au gouvernement capitaliste. C'est justement en luttant pour le communisme. Oui, je vais encore revenir toujours sur le même point qui est fondamental, quoi. Parce qu'on a fait beaucoup d'interventions, on a parlé avec beaucoup de gens, on a bien senti quelle est l'atmosphère dans le pays. En fait, c'est clair qu'il y a plein de gens qui comprennent qu'il y a un problème, que là où ça nous mène à la défaite que cette direction est complètement inadéquate. C'est ça le problème que les travailleurs eux-mêmes se posent aujourd'hui. Il faut une autre direction. Alors, ils n'ont pas la réponse. La réponse, c'est nous qui essayons de l'apporter et qui faisons de l'agitation aujourd'hui pour mettre ça en œuvre, pour briser le cadre que donnent les bureaucrates. Toute la stratégie des réformistes, ça vient du fait qu'ils ont accepté déjà que les capitalistes doivent continuer à régner. À partir de là, on a déjà perdu. Et ça, les travailleurs le ressentent. La question, c'est quelle est l'alternative ? On est les seuls à lutter pour une direction révolutionnaire, c'est-à-dire pour poser la question que les ouvriers doivent savoir où ils doivent aller, ils doivent écraser la bourgeoisie, ils doivent lutter dans cette direction avec comme objectif de prendre le pouvoir, et c'est s'ils font ça, si ça, où ils vont aller, ils vont gagner cette lutte-là. Ils auront les tactiques qui vont aller avec. J'ai parlé, apparemment, il y a des gens qui n'ont pas écouté sérieusement ce que j'ai raconté, que ce soit sur les syndicats industriels ou sur la question de l'État. Bon, moi, je suis un peu désolé pour eux, mais tout ça, on l'a avancé. Tout ça, j'ai essayé de l'expliquer, qu'effectivement, il faut préparer les travailleurs aux attaques des flics, des réquisitions, etc., parce que nous, on a une compréhension marxiste de l'État. Contrairement aux libéraux, à Mélenchon et tout, qui dit « ouais, la police tue », etc. quoi. Et la manière dont nos opposants ici ont présenté la question, c'est en fait c'est une manière totalement compatible avec le libéralisme de Mélenchon. C'est justement comme ça qu'on ne peut pas combattre les obstacles qui aujourd'hui freinent et empêchent la classe ouvrière de gagner dans cette lutte. C'est ça qui est posé aujourd'hui, et on a en fait on a un reflet de ce qu'on a vu dans la gauche avec ce débat. On a la gauche soi-disant marxiste, etc. C'est elle qui fait obstacle aujourd'hui à l'issue que cherchent les travailleurs, les jeunes qui sont descendus dans la rue très massivement depuis 15 jours, etc. quoi. Et c'est nous qui avons cette réponse, et c'est nous qui vous l'offrons et qui voilà. C'est vrai. Moi, je voulais juste intervenir parce qu'il y a des choses. En fait, j'ai été militant pendant très longtemps de l'organisation. Et il y a des choses qui, depuis la question du Covid, m'ont posé beaucoup de problèmes sur lesquels je ne reconnais plus l'organisation dans laquelle j'ai milité. C'est pour ça que j'ai fait une lettre ouverte sur une question qui était la question du crâne, parce que ça me semblait être important, mais on va revenir sur une question qui est plus vaste, si vous voulez, et je terminerai sur cette question si j'ai le temps. Être une direction révolutionnaire, c'est dire les choses. Et dire les choses, c'est dire les choses clairement. Donc faire un point, comme l'a fait le camarade qui est à côté de moi, en répondant sur les questions à côté, parce que Xavier a attaqué sur le fait qu'on disait direction révolutionnaire des syndicats, pas direction révolutionnaire du mouvement ouvrier, et donc qu'on limitait la question à la lutte dans les syndicats, je trouve que c'est un peu tordre les bâtons. Ça, c'est juste pour te donner un point sur ce que tu dis. Deuxième point, on parle de Mélenchon, mais concrètement, en France, le problème de la classe ouvrière, ça a toujours été la politique du Front populaire. Il n'y a pas un seul mot sur le fait qu'on est avec une soi-disant gauche, parce que vous appelez ça maintenant la gauche marxiste. À mon époque, on appelait ça les pseudo-révolutionnaires. Il y a une différence dans la façon dont on parle des choses. Et ça amène le fait que concrètement, le point sur le Front populaire, il a complètement disparu. Maintenant, on va donner un autre point. Quand on dit des choses, il faut les dire jusqu'au bout. Vous avez parlé de la question du crâne. Et donc je terminerai là-dessus. La question de l'Ukraine, c'est quoi ? On a une puissance capitaliste arriérée par rapport à la restauration du capitalisme, qui est la Russie, qui est confrontée à quoi ? Qui est confrontée à une intervention de l'ensemble des impérialistes. Et là, on ne donne pas les mots. Parce que si on dit clairement que ce sont les impérialistes qui luttent contre un capitalisme arriéré qui est l'Ukraine, qui est la Russie, excusez-moi, ça veut dire nécessairement qu'on a un camp militaire à prendre. Un camp militaire, ça ne veut pas dire faire un soutien politique. ça veut dire juste reconnaître la chose. Moi, je suis désolé, je suis rentré dans l'organisation quand il y a eu la question de la guerre en Irak. La guerre en Irak, je suis désolé, Saddam Hussein, c'était pas un révolutionnaire. Partant à l'époque, on luttait pour essayer de scissionner la JCR parce qu'on avait posé comme question qu'il coule dans le golfe. Aujourd'hui, est-ce que la LTF, est-ce que la LCI dit, est-ce qu'on est pour la défaite de l'OTAN? Non, malheureusement. Donc, tout le point et toute la différence que je comprends, ça fait trois, c'est trois que minutes, dans pardon. Le point, il ne faut pas juste avoir les points, il faut simplement ça savoir... Ça fait trois minutes, camarade. Merci. Quelqu'un d'autre? Écoutez, c'est un débat absolument faux, dans le sens où vous niez la centralité du problème en France, c'est-à-dire comment on va organiser les immigrés, comment on va défendre les femmes, comment on va avoir une grève qui gagne. Il faut sortir du cadre pro-capitaliste du mouvement ouvrier actuel. C'est ça la réalité. Et c'est qui en tête de ce mouvement? C'est la bureaucratie syndicale. Pourquoi il n'y a pas de syndicats industriels dans ce pays? C'est à cause de la gauche, c'est à cause de la bureaucratie actuelle qui dirige. Il y a un mouvement qui est déjà dirigé. Donc, pour défendre les femmes, pour étendre la lutte, pour faire des occupations, c'est absolument nécessaire d'avoir une direction révolutionnaire pour les remplacer avec autre chose, une direction révolutionnaire qui a un programme pour que les travailleurs prennent le pouvoir dans leur propre nom. Pour contreposer un chemin qui va dans un sens vers le pouvoir prolétarien. La question du Front populaire, c'est précisément la même. Vous pouvez soulever ces trucs vides. Ah oui, il faut s'opposer au Front populaire. Et en fait, la présentation a mis le point très clairement sur les mensonges utilisés par la gauche et la bureaucratie syndicale dans ce pays, précisément pour mener les travailleurs derrière le Front populaire. En fait, c'était la moitié de la présentation. Comment exploser le Front populaire? Comment on s'en prend aux promesses de Mélenchon? C'est pour ça que les gens veulent voter Mélenchon. C'est pour ça que Mélenchon semble le plus combatif dans cette bataille que n'importe autre troupe, sauf peut-être le Black Bloc, franchement. Donc il faut répondre aux arguments concrets qu'il fait. Donc pourquoi il ne va jamais livrer le retrait aux 60 ans? Parce qu'il travaille pour les capitalistes. Et en fait, il propose un schéma où les travailleurs payent plus pour leur propre retraite. Si on veut défendre les immigrés, les femmes, se battre pour unifier toute la classe ouvrière de ce pays, il faut se battre contre la direction actuelle de ce pays sur la base d'un programme révolutionnaire. C'est ça le point. Ouais. Si je suis d'accord. Ouais. S'il vous plaît. Oui, je voulais juste récapituler quelque chose qu'on a dit dans la présentation et dans la discussion. La présentation a expliqué pourquoi les ouvriers sont désarmés face à la répression de l'État capitaliste. C'est à cause de leur direction qui ont un programme pro-capitaliste pour cette direction. Et c'est vrai, on met l'accent sur les syndicats. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des centaines de milliers de gens dans la rue qui ne sont pas dirigés par le PCF, ni par le PS, même pas par Mélenchon. C'est par Laurent Berger, c'est par Philippe Martinez, maintenant Sophie Binet, et j'oublie les autres... Souillot. Non, mais tout ça. Ce sont les bureaucrates syndicaux. Si ne voulez pas lutter pour une direction révolutionnaire dans les syndicats, alors vous faites quoi? Surtout ici. Dans ces pays, aujourd'hui. Silence, s'il te plaît. Mais il peut bien être très fort, quand même. problème en compte. Silence, vous aussi, s'il vous plaît. Oui, et toi aussi. La direction des révolutionnaires des syndicats n'est pas séparée de la lutte pour un parti révolutionnaire, pour un parti léniniste trotskiste. C'est exactement la même chose. C'est quoi la différence entre nous, qu'on lutte pour ça aujourd'hui, concrètement? Et vous savez que des mots vides, le Front populaire, on peut tous crier contre le Front populaire. Ce qu'on fait, c'est de démontrer pourquoi, à chaque moment, dans cette lutte actuelle, concrète, dans les rues de Paris, de Marseille, etc., Mélenchon est un obstacle à la bataille pour les retraites. Parce qu'il est aussi un obstacle à la bataille pour le pouvoir ouvrir. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez pour le Front populaire, mais vous êtes incapable de dire un seul mot de pourquoi concrètement il est un obstacle. Juste comme les opposants contre lesquels RP, lutte ouvrière, révolution permanente, lutte ouvrière, contre lesquels mon camarade a parlé. L'Ukraine. Et là où nous mettons en avant une issue révolutionnaire, c'est-à-dire que les travailleurs ukrainiens et russes devraient retourner les fusils contre leurs propres dirigeants, ce qui ouvrirait la voie à la révolution partout en Europe, à commencer par la France, vous faites quoi? Vous prenez les côtés de Poutine. Une issue réactionnaire. Tais-toi, s'il te plaît. Oh, ouais, ouais, tu peux dire pas de Poutine, juste comme les MP à Poutine. Silence! Comment crier en 2014? Silence! S'il te plaît. Personne n'est interrompu. Tais-toi, s'il te plaît. Ah oui, l'NP a pu dire, non, c'est pas Zelensky, on prend le côté de l'Ukraine. C'est la même chose. Aujourd'hui, prendre le côté de l'Ukraine, c'est prendre le côté de Zelensky, c'est prendre le côté de l'OTAN, des impérialistes occidentaux. Prendre le côté de la Russie, c'est prendre le côté de Poutine. Il n'y a pas de différence. Sinon, tu peux discuter de sémantique. La Chine, la même chose. On pousse en avant une perspective révolutionnaire pour la révolution politique, pour le pouvoir ouvrir la démocratie soviétique en Chine, se débarrasser de la bureaucratie stalinienne. Vous faites quoi? Vous défendez chaque méthode, chaque mesure draconienne de la bureaucratie. Voilà, c'est en gros, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que... Oui, pardon. Monsieur. Merci, monsieur la parole. Bon, c'est vrai que, bon, Mélenchon, c'est un social-démocrate, c'est un socialiste. Pour moi, Mélenchon, c'est un genre de Poutine de gauche. Simplement, moi, je pense, je sais pas, on va peut-être savoir prendre la vague. Alors, si on veut aller vers la révolution socialiste, bah, il faut se servir qui c'est des outils. On ne peut pas se rapprocher, même si on ne regarde pas la France insoumise et la UPS, au moins s'y approcher, proposer nos idées et au moins d'essayer d'amener les travailleurs vers la raison socialiste. Après, Mélenchon, à la fin, ça finira par devenir un obstacle, donc il faudra s'en débarrasser. Mais en attendant, est-ce qu'on ne peut pas prendre la vague en s'appropriant au moins la CGT ou n'importe où, même le PSF, c'est le reste. Hein. Il faut savoir prendre la vague en sympathisant, en s'appropriant. Et ensuite, oui, après, quand l'argent deviendra trop un obstacle, on peut emmener les travailleurs vers la révolution socialiste. Je ne vois pas autre chose. Cette histoire de prendre la vague mélenchoniste, alors, en fait, j'ai passé mon temps à essayer d'expliquer que justement c'est ça qui c'est le problème du mouvement ouvrier français d'accepter ce genre de truc, que Mélenchon c'est un moindre mal, ou bien qu'on peut prendre cette vague pour la prochaine étape. Mais la prochaine étape où nous mène Mélenchon, c'est une étape pour nous lier totalement à la bourgeoisie. C'est une étape dans le sens diamétralement opposé à ce qui est posé aujourd'hui pour le prolétariat. C'est pour ça que, alors évidemment, il y a des gens ici, ça leur plaît pas, ils sont pas contents, que nous, en fait, on est concentré notre tir sur les obstacles politiques sur lesquels se trouve aujourd'hui auquel la classe ouvrière fait face, c'est-à-dire au niveau politique, c'est le mélenchonisme, et au niveau syndical, comme l'a dit mon camarade, qui est-ce qui, c'est quoi ce mouvement ? C'est une énorme mobilisation des syndicats. Voilà, donc nous, on dit, ben voilà, le problème, la direction de ce mouvement nous mène à la défaite. Il faut changer de stratégie, il faut une autre direction, avec un autre programme qui pointe vers la prise du pouvoir. C'est la seule manière de résoudre les questions qui sont posées. C'est la seule manière de gagner cette lutte-là. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on a concentré notre tir là-dessus. J'ai entendu Xavier, il disait, nous, on ne veut pas une direction révolutionnaire des syndicats, on veut construire un parti. Je crois que ça résume un petit peu, l'opposition qui est faite là, ça résume un peu la stérilité bureaucratique et complètement démoralisée de ce genre de propos, quoi. Comment est-ce qu'on va construire un parti révolutionnaire dans ce pays? C'est en luttant pour une direction révolutionnaire, justement, dans les syndicats et en agitant contre les illusions dans le mélenchonisme, etc. Le PS, le PC, ils sont que l'ombre d'eux-mêmes. Bien sûr, je les ai attaqués dans ma présentation, ça c'est pas la question. Pourquoi je les ai attaqués? Parce qu'ils sont dans l'ombre de Mélenchon. Ils ont tellement trahi, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de refaire la même chose. Ils m'ont dit non. On a un programme qui est opposé à ça, je crois. Et sur l'Ukraine, la question de l'Ukraine qui est posée aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire avancer la lutte ici pour y compris pour les travailleurs ukrainiens et russes, c'est en ayant une perspective révolutionnaire ici, dans ce pays, c'est-à-dire opposé aux bureaucraties syndicales qui soutiennent l'Ukraine derrière Macron, comme je l'ai expliqué dans ma présentation, etc. C'est ça qui est posé aujourd'hui dans ce pays. Alors ouais, les comparaisons avec l'Irak, j'en passe. Je veux dire, une défaite de l'impérialisme en Irak, ça aurait été une chose. Ça aurait été un pas en avant pour tous les peuples opprimés du monde. Une victoire de la Russie, ça voudrait dire le Knout russe qui opprime les travailleurs ukrainiens. Ça ne fait pas progresser la cause de la révolution, ni en Ukraine, ni en Russie, bien au contraire, ni en France. Voilà. Quelqu'un d'autre ? Je crois qu'on peut peut-être finir. C'est fini. Oui, on passe. On peut continuer à discuter informellement.